439, activation, dictation. Present indicative of être. Marie-Laure is stuffing herself with chocolates. Listen and write in the missing words. Ça suffit qu'il ne va pas les manger tous. Et pourquoi pas? Parce que tu vas être malade. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis malade.